Bonjour et bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine, normalement, on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Mais depuis quelques semaines, en fait, depuis la semaine passée, je dirais, ça fait pas si longtemps que ça, même si ça a l'air bien long pour certains, on se passe de la musique de jeux vidéo, donc du chiptune en masse. Plus que d'habitude, normalement, on en passerait quelques pièces par émission, mais là, c'est une heure au complet de chiptune ou de musique inspirée par, créée à partir de consoles 2 ou encore ayant rapport avec les jeux vidéo. Hein, c'est beau. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série en concert où on diffuse quelques CD en long et en large, comme ça pendant un très très long bout de temps. On commence la série sur Overclocked Remix Presents Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business. Ça va être très très bon, ça c'est une compilation créée par les fans avec la musique de Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Les gens travaillent là-dessus depuis novembre 2007, depuis que le plan a été lancé. Et il y a même des gens qui ont participé à la trame sonore originale de ce jeu vidéo-là sur Super Nintendo, qui participent à cette compilation de pièces dédiées au jeu. On va écouter tout de suite un petit avant-goût de quoi on parle et qu'est-ce qu'on va écouter pendant les prochains mois. Donc, un avant-goût de cette série de OC Remix à CNX.zip. Un avant-goût de la série Donkey Kong Country 2, Serious Monkey Business, présenté par Overclocked Remix. Et ça va être présenté à Scenix.zip pendant les prochains mois. Cette belle petite série-là qu'on peut télécharger gratuitement sur dkc2.ocremix.org. Je vous conseille d'aller télécharger ces deux CD-là. Il y a même un troisième CD bonus avec quelques pièces dessus. Donc, on va commencer ici officiellement la diffusion de cette série-là par la première pièce. C'est basé sur la pièce originale K-Rool Returns dans le jeu Donkey Kong Country 2. Mais la pièce ici remaniée s'appelle Sturm und Kong par DJ Pretzel à Scenix, l'émission la plus geek de la radio au 89.1 FM, c'est fou. Voici une soirée par Joran de Bruin, basée sur la pièce Clumps Rump. C'est la deuxième pièce de la collection Serious Monkey Business qu'on présente ici à CNX. C'était précédé de la première pièce de ce premier disque. Le premier disque, en passant, qui s'appelle Didi. Le deuxième s'appelle Dixie. Hein, les deux personnages de Donkey Kong Country 2, on comprend. Première pièce, donc, c'était Sturm and Kong, basée sur l'original K. Rool Returns, remixé par DJ Pretzel. On entendra deux autres pièces dans quelques minutes, mais avant, voici le palmarès des mots-clés les plus recherchés sur Yahoo Québec. Position 10 à 6 en rafale, Caroline Néron. Changement climatique, Claudette Dion, Elizabeth Taylor et Œuf de Pâques. En cinquième, Drew Barrymore. En quatrième, Orthorexie. Troisième, Shannon Doherty. En deuxième, Véronique Dicker. Et en première, c'est Poisson d'Avril. C'est pas des blagues, tout ça. Plus tard dans l'émission, on parlera des nouveautés en club, en fait, dans les magasins. Et les jeux les plus loués dans les clubs vidéo. Hein, ça va bien ensemble, je trouve. Pourquoi pas? Mais avant ça, on continue notre série en concert Serious Monkey Business. C'est la musique de Donkey Kong Country 2. Tout à l'heure, on va entendre Rare Respite, basé sur Jeep Jig, remixé par Patrick Burns. Mais on commence avec Parties Over Here, basé sur Cranky's Conga. C'est remixé par OA. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Ah, c'est fou, 89 FM. Hey, it's the party song! La pièce Jib Jig, maintenant nommée Rare Despite, remixée par Patrick Byrne. C'était précédé de Parties Over Here, basé sur l'original Cranky's Conga, remixé par O.A. ici à Scenix.zip. C'est dans la collection Serious Monkey Business qu'on écoutera au grand complet ici dans l'émission. J'espère que ça plaît aux fans de Donkey Kong Country, la série au grand complet. Ça, c'est basé sur la série, sur le deuxième jeu de la série. Et je sais que c'est très, très, très populaire, hein, sinon il n'y aurait pas deux collections complètes de plusieurs CD chaque avec toutes les pièces remixées par la communauté. C'est malade. Je dirais que c'est comme le inséré groupe rock connu ici, dans la référence, des jeux vidéo. Hein, mettons, je sais pas, les Rolling Stones, peu importe, des jeux vidéo. La série Donkey Kong Country. J'adore. Bref, allez télécharger ça gratuitement en torrent ou encore même en MP3 via le dkc2.ocremix.org. Vous pouvez télécharger aussi un fichier zip avec les MP3 et des images pour faire votre propre CD physique. C'est magnifique. Que vous aimiez n'importe quel style de musique, hein, comme vous l'avez entendu dans les quatre pièces qu'on a entendues, que ce soit le New Age, Trance, Ballade Rock, Orchestral, n'importe quel style de musique, il y a quelque chose qui a rapport avec ça dans cette série-là, Serious Monkey Business. On la continuera la semaine prochaine, ici dans CNX. Maintenant, passons aux nouveautés en jeux vidéo disponibles en magasin et partout. Là, c'est selon GameSpot.com. Commençons sur Nintendo DS, WarioWare DIY Do It Yourself avec les mini-jeux de Wario. C'est coté 8.0 selon GameSpot. Ensuite, Call of Duty Modern Warfare 2 Stimulus Package, shooter à la première personne qui sortait le 30 mars. Mountain Blade Warband sort sur PC, c'est un jeu de rôle. Prison Break The Conspiracy sort sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, basé sur la série Prison Break ou La Grande Évasion. C'est un jeu d'aventure. Dead or Alive Paradise, un jeu qui est très, très, très, très mal coté. J'ai pas la cote de GameSpot ici, mais j'ai lu des critiques et c'est vraiment atroce ce jeu-là. C'est sur PSP. C'est un jeu à peut-être pas conseillé. Hein. Sur Xbox 360 maintenant, Samurai Showdown Sen, un jeu de combat. Commandos Complete sortait hier sur PC CD-ROM. C'est une compilation des différents jeux Commandos. Hein. Mm-hmm. WarioWare DIY Showcase sur le service WiiWare de la Nintendo Wii. Ça sortait le 29 mars. Sakura Wars So Long My Love sort sur Nintendo Wii et c'est déjà aussi sur PlayStation 2. C'est un jeu de stratégie tour à tour. Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned sort sur PC. Ça dit que c'est la première de deux expansions exclusives à la Xbox 360, donc c'est une réédition d'un jeu sur Xbox. Mega Man 10 sortait hier, c'est un jeu de plateforme, évidemment dans la lignée des jeux 2D de Mega Man. Pourquoi? Ben parce que le rétro est très très à la mode et je comprends ça parce que c'est mon genre aussi. Mimana ER Chronicles sort sur PSP, c'est un jeu de rôle. Again sort sur Nintendo DS, c'est un roman de crime, un crime novel interactif des développeurs de Hotel Dusk et Trace Memory. Il y a finalement deux derniers jeux. Cabela's Monster Buck Hunter sortait le 30 mars. C'est un jeu qui amène l'expérience style arcade à la maison pour toute la famille. Ça inclut... qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon, c'est un jeu de chasse. Hein. Et The Secret Files Tunguska sort sur Nintendo DS et c'est aussi sur la Wii, à ce que je vois, hein, parce qu'il y a une pochette Wii juste à côté. Bref, c'est un jeu d'aventure. Pas très clair sur GameSpot pour celui-là. Hein. Ça arrive une fois de temps en temps. Bref, ce sont les nouveautés en magasin et ailleurs selon GameSpot.com pour la semaine du 28 mars 2010. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, l'émission qui normalement aussi compresserait les chroniques technologiques diffusées dans l'assemblage requis. Par contre, cette semaine, quand ça me tente, hein, que mon émission, mon gars, je pense à la musique de jeux vidéo, que ce soit de la musique inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo, qui a rapport avec les jeux vidéo, qui a déjà joué dans un jeu vidéo, n'importe quoi. Tout est dans l'intérieur des lignes du chiptune. Parce qu'à un moment donné, le mot chiptune veut dire quelque chose de bien spécifique, qu'on se l'approprie pour décrire tout ça, tout ce qui a rapport avec la musique de jeux vidéo, parce que sinon, c'est un peu compliqué à expliquer. Hein? Voilà, on va retourner donc en chiptune. On va entendre un extrait du palmarès CNBitCollective.com. Vous m'entendez dire ce nom-là à chaque semaine. Pourquoi? Ben parce que c'est le meilleur, selon moi, site qui héberge de la musique créée par la communauté et qui est inspirée ou créée à partir de jeux vidéo. C'est toujours très, très bon. Les gens votent là-dessus et ce qui se ramasse dans le top des pièces les plus aimées pendant la semaine, c'est toujours vraiment du bonbon, du bimbon. Donc, on va entendre... Teleido Fusion avec une pièce qui est nommée dans une langue asiatique que je n'essaierai même pas de deviner. C'est laquelle? Donc, ce sont des lettres, des caractères. Voici donc Teleido Fusion, l'artiste à CNX.zip au 89.1 FM. C'est fou! Une pièce tirée de l'album Around Past de Teleido Fusion, un projet en duo avec C. Jeff et Megis et le saxophone alto de Chris J. Hampton. Vous pouvez télécharger l'album Around Past en suivant le lien sur assemblagerequis.com. On vient juste après la pause avec plus de chiptune pour vous faire exploser les tympans. Dash.com 89 fois. La seule radio musicale. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bonjour, vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et vous êtes toujours dans une émission spéciale de CNX. En fait, c'est de plus en plus pas spécial, mais bon. Où on passe que de la musique de jeux vidéo, inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo qui a rapport avec les jeux vidéo, hein? C'est de la bonne musique du chiptune qu'on appelle, donc habituez-vous. Le prochain bloc, on va entendre un petit peu de Raptor Carlin, qui est sur le palmarès bitcollective.com, lui aussi, comme l'autre qu'on avait entendu avant la pause. C'est en troisième position et la pièce s'appelle Laser Nipples, avec la participation de G-Zom, George et Tristando. Et on nous dit, dans le texte sur bitcollective.com, que quand tu meurs et que tu vas au paradis, c'est ça que tu vas entendre. Donc, imaginez-vous un peu. Vous êtes à CNX.zip. We'll be right back. fort ça, Merciless par Eos Foros featuring Tadpole à Cenix.zip. Chanson qui a été composée par Eos Foros il y a plus d'un an. C'est une des premières chansons qui va se retrouver sur le maxi là, qui s'en vient. Avec des collaborations avec plusieurs autres compositeurs de musique chiptune. Donc pour la pièce Merciless qu'on vient d'entendre. Avant c'était Laser Nipples par Raptor Carlin et les voix de trois personnes, G-Zom, George et Tristando. Les liens vers toutes les pièces qu'on écoute dans l'émission d'aujourd'hui et toutes les autres émissions de CNX.zip sont sur le assemblagerequis.com. Donc allez-y, www.assemblagerequis.com. Là-dessus, il y a aussi les balados de diffusion des émissions à chaque semaine. Si vous n'avez pas assez de musique de jeux vidéo dans votre tête. Des fois, c'est stressant, des fois, c'est relaxant. Ça dépend laquelle. Hein? Bon. Maintenant, parlons un petit peu de jeux vidéo qui sont les plus populaires selon GameSpot.com. On va changer de catégorie. Des fois, on fait les jeux qui s'en viennent bientôt, les jeux qui sont disponibles maintenant. Ben, cette fois-ci, ça va être les jeux les mieux cotés selon GameSpot.com. Donc, top 10 à 6 pour commencer. Battlefield Bad Company 2 sur Xbox 360 est coté 9 en 10e position. Même chose en 9e, le même jeu, mais sur PS3. En 8e, le même jeu sur PC. En 7e, c'est God of War 3 sur PlayStation 3, c'est coté 9. En 6e, Uncharted 2 Among Thieves sur PlayStation 3, c'est coté 9.5. En 5e, c'est aussi coté 9.5. Grand Theft Auto Chinatown Wars sur PSP. En 4e, Forza Motorsport 3 sur Xbox 360, aussi 9.5. Même chose pour la 3e, GTA 4 Ballad of Gay Tony, c'est sur Xbox 360. En première, aussi à 9.5, c'est Dragon Age Origins sur PC, un jeu de rôle. Et finalement, le jeu coté le mieux coté aujourd'hui, hein, c'est Braid, coté 9.5. C'est un jeu qui est sur Xbox Live Arcade, si je me rappelle bien celui-là. Hein. C'est pas précisé. Est-ce que celui? Score 9.5 par Number None Inc., un jeu d'action sorti en novembre 2009, coté 10 ans et plus. Ah ben, il écrit pas comme ça, c'est spécial. Voilà donc pour les jeux les mieux cotés sur GameSpot. Et en passant, ils sont tous choix de l'éditeur. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas précisé, là, mais ça se varie entre 9.0 et 9.5, qui sont tous, par contre, choix de l'éditeur. Il n'y a pas de 10, comme vous l'avez remarqué. Hein, les 10, on les donne pas à tout le monde. Là. C'est un privilège qui se mérite, ça, pour GameSpot et bien d'autres endroits. Et je suis très d'accord avec ça. Quand on donne trop de 10, ça ne fait que rendre ça moins important comme note. Ça veut moins dire grand-chose. Bon. Bref, vous êtes toujours à CNX.sc, l'émission la plus geek de la radio. L'émission qui s'en va jusqu'à la fin, jusqu'à 11h. On sait pas trop comment qu'on va s'y rendre, mais on va finir par s'y rendre. Hein? Bon. On retourne sur le palmarès de 8-Bit Collective pour aller entendre encore un petit peu de chiptune créé par la communauté, par les gens qui aiment cette musique-là. Et je vais vous dire que ce site-là, il y en a beaucoup des gens qui en postent des musiques. Pas toujours très, très bon. Hein? Il y en a qui font ça, il y en a qui commencent. C'est normal, c'est une communauté. C'est des gens comme vous et moi qui postent des musiques de jeux vidéo qu'ils ont fabriquées eux-mêmes avec différents appareils, différents plugins dans différents logiciels, avec différentes consoles rangées dans leur ordinateur, je sais-tu. Il y a différentes façons de faire ça. Mais bref, sur redbeatcollective.com, c'est ça. Les gens postent leurs chansons et puis les gens votent dessus avec un compte et tout ça. C'est ben belle fun. Donc, tantôt, on a écouté plein de pièces qui étaient dans le top 4, je dirais. Donc, on va descendre au top 5. Voilà. On va entendre un petit peu de Tree Fry ou encore Try Fry avec la pièce Walter Cronkite 3000 qui est vraiment dédiée à son chat. C'est une chanson qui parle de son chat. Là, ça va peut-être avoir l'air bizarre, là, mais vous allez voir, c'est très bon. C'est Walter Cronkite 3000 par Tree Fry. Voilà, à CNX.zip. Tree Fry. Try Fry. Tree Fry. Hello. We'll be right back. J'aime le commentaire qui a été laissé sur la page lbcollective.com. C'est qui? C'est El Chupacabra qui dit « Mindfuck ». C'est un mindfuck. En effet, ça s'applique, je pense que ça a bien du sens. On vient d'entendre l'artiste russe Woki Toki avec Suck My Dick, une autre pièce de chiptune qui est sur le palmarès 7bitcollective.com. C'est en position numéro 6. J'adore ça, très original, très différent des autres pièces de chiptune qu'on a entendues aujourd'hui. Avant, c'était Walter Cronkite 3000 par Try Fry. Chanson qui parle de son chat, mais ça paraît pas du tout, c'est de la musique. Hein? Bon, changement de tempo, plein de choses, super bon à entendre. Vous êtes à CNX.zip, l'émission qui se passe de la musique de jeux vidéo aujourd'hui, hein, pourquoi pas. Avant de continuer avec la musique d'un futur jeu vidéo par un groupe que j'aime beaucoup, Adam Noguchi, on va parler un petit peu des jeux les plus loués dans les clubs vidéo la semaine passée, pourquoi pas. Position 10 à 6 en rafale, Metro 2033, Call of Duty Modern Warfare 2, Heavy Rain, Final Fantasy 13 et Just Cause 2 sur PS3. En 5e, c'est Just Cause 2 sur Xbox 360. En 4e, Battlefield Bad Company 2 sur PS3. En 3e, New Super Mario Brothers Wii sur la Nintendo Wii. En deuxième, c'est God of War 3 sur PlayStation 3. Et en première, c'est Battlefield Bad Company 2 sur Xbox 360. Voilà pour les jeux les plus loués dans les clubs vidéo la semaine passée. Maintenant, on va entendre une pièce qui vient du futur jeu vidéo, en fait de la trame sonore du futur jeu vidéo basé sur le film qui est basé lui-même sur une bande dessinée. Hein, mélangeant un peu. Donc, Scott Pilgrim, qui était une bande dessinée à la base, va être adapté en film avec Michael Cera, l'acteur de tous les films en ce moment. Et là, il va y avoir un jeu vidéo basé là-dessus. Il y a une trame sonore, évidemment, qui va aller avec le jeu vidéo. Et donc, ça a été performé, une de ces pièces-là, par la formation Anamanaguchi au PAX East. C'est une grosse foire de tout ce qui est geek. Je pense que ça résume bien la chose. Donc, bref, ils ont joué cette pièce-là devant des images du futur jeu. Donc, c'était le premier look, le premier regard que les gens ont pu mettre ou avoir de ce jeu-là. Hein? Ouais, phrase qui n'a pas vraiment de sens, mais c'est pas grave. Tout plein de gens qu'on connaît et qu'on apprécie beaucoup travaillent sur ce jeu-là, dont les gens chez Ubisoft Montréal, qui sont ceux qui ont produit le jeu, entre autres, Teenage Mutant Ninja Turtles sur la Game Boy Advance en 2007, un jeu qui a été bien aimé par bien des gens. Donc, les gens espèrent que cette adaptation-là du film va être aussi bonne que ce jeu-là. Voilà. Si vous voulez aller sur le lien sur assemblagerequis.com, dans l'article, on parle aussi de Direct Feed Screenshots of the Game. Donc, des images qui ont été prises en capture en direct à PAX East de cette performance-là. Donc, on voit vraiment correctement et comme il faut, là, les images du jeu qui sont en arrière. Bref, on va l'entendre, cet extrait-là de Anamanaguchi. Beaucoup de syllabes là-dedans. Capturé au PAX East. Et puis on revient se dire au revoir juste après. Vous êtes à CNX Poésie. Literally, I've never been more excited about anything in my entire life. And I've had a lot of really good pizza. I live in New York, so. Like, this is awesome. So, I wanted to give you guys a kind of sneak peek to that. We're going to play the theme tune that we wrote when we were first on the project. And, I hope you guys enjoy it. It's an amazing story. It's going to be an amazing game. So much stuff is coming out about it. Just keep your eyes open. Cool. So, visual progress. Oh, P.S. These visual dudes, Paris and Output, are going to be rocking the entire night. They are amazing. Frostbusters. So, yeah. This is the theme to you. Hope you guys enjoy. la trame sonore du jeu vidéo basé sur le film, basé sur la bande dessinée Scott Pilgrim. Allez voir scottpilgrim.com pour en savoir plus sur les bandes dessinées. Et scottpilgrimthemovie.com pour voir, entre autres, l'affiche du film avec Michael Cera dans sa belle pose de guitar hero incroyable. J'adore ça, ça va être vraiment bon. C'est très, très attendu de pas mal de gens, ça. Scott Pilgrim. Voilà pour Célix.zip. On se quitte pour une autre belle semaine où il y aura peut-être pas de chronique, où il y en aura, on verra bien. Hein? Et puis on se retrouve donc jeudi prochain à 10h pour une autre édition Célix.zip avec, évidemment, quoi qu'il arrive, du chiptune. Vous êtes pas prêts d'oublier ça. C'est gravé dans votre cerveau. Dany Janvier s'en vient avec André Baudet et puis Dîner de con. Ça commence à 11h. Moi, je vais être de retour à 13h avec l'édition francophone des Palmarès C'est fou et puis pour Assemblage requis à 15h. Donc, soyez-y. On se quitte avec une autre pièce d'Alamanaguchi qu'on vient juste d'entendre. Pas la pièce, mais le groupe. Hein. Une pièce, cette fois-ci, de qualité audible. Genre écoutable, mettons. On va entendre donc Don Metropolis et bon dîner de con, bonne journée et à bientôt. Bye. Dash.com